Leçon 1. Activité 2 et 3, page 94. Piste 72. La mode? Je suis fan de mode. J'aime être comme tout le monde. Et toi, Alice? Adore la mode. J'aime les vêtements de marque. Moi, j'achète des vêtements parce qu'ils sont beaux, pas parce qu'ils sont à la mode. La mode, ce n'est pas important pour moi.